France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Déligeorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En direct de la maison ronde, en direct de la maison de la radio, toujours en direct du studio numéro 1, Continent Science. Et pour ce dernier rendez-vous de Continent Science, ce continent qui sera dans 59 minutes entièrement englouti, mais en arrêtant de filer là cette métaphore, je voudrais dès l'abord remercier infiniment pour tout ce qu'ils m'ont appris. Chacun s'en reconnaîtra. Tous les techniciens chargés de réalisation, attachés d'émission, au féminin comme au masculin, et bien sûr rendre civilité à tous les invités qui ont apporté ces immenses savoirs égrenés au fil des années, et cela devant ce micro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, nous nous demandons ce qu'est le naturalisme, et cela avec Daniel Andler, qui est philosophe, logicien, philosophe des sciences, et qui pose cette question à travers un livre au très beau titre, La silhouette de l'humain. Donc, le naturalisme, qu'est-ce à dire? Mais évidemment, pour cet ultime rendez-vous, nous ne raterons pas une petite chronique animalière. Pour cette extrême chronique animalière, je retiens les caprins, oui, les chèvres, les boucs aussi, bien sûr, et pour leur rendre justice. Je les ai peu mobilisés dans cette suite d'hommages aux animaux. Les chèvres, Aristote les qualifiait déjà d'être vifs et versatiles. Et dans l'imaginaire collectif, les chèvres sont agiles, mais fantasques, et cervelées, capricieuses. D'ailleurs, le mot caprice et chèvre ont la même étymologie latine capra, tout simplement. Et je le sais d'expérience que sont capricieuses ces chèvres, et cela pour les avoir très difficilement. Loin d'être nigauds, les caprins sont plutôt finaux. Des biologistes ont déjà observé que les caprins sont capables de distinguer des formes géométriques, indique Elodie Briefer. Et cette dernière s'est centrée sur une toute autre chose en constatant que les chèvres savent ouvrir le loquet de leur box. En effet, leur bouche est très mobile. Alors les chercheurs ont évalué l'aptitude de 12 chèvres à apprendre une tâche complexe, soit ouvrir une boîte avec leur bouche. D'abord en tirant un levier, puis en le soulevant pour se voir délivrer, bien sûr, une récompense alimentaire. Résultat, 2 des chèvres testées ont opté pour la méthode forte, avec leurs cornes, ces frondeuses ont secoué le dispositif pour accéder à la nourriture. Alors ces tricheuses ont été immédiatement exclues. Une autre chèvre n'est jamais parvenue à apprendre cette tâche, pitié pour elle. Quant aux 9 autres, en revanche, elles ont réussi au bout de 13 essais maximum, soit en 3 à 6 jours. Les chercheurs ont ensuite évalué leur comportement 10 mois plus tard, sans qu'elles aient pu entre-temps interagir avec la boîte à ouvrir. Même après 10 mois, nos animaux réussissaient à accomplir cette tâche en moins de 2 minutes. Donc, les chèvres ont une bonne mémoire à long terme. Et elles semblent aimer cet enrichissement cognitif. Tiens, tiens. L'équipe a aussi comparé les performances d'apprentissage des chèvres quand elles pouvaient ou non observer un congénère accomplir une tâche quelconque. Mais les chèvres, bénéficiant de ces démonstrateurs, n'ont pas appris plus vite. Ce qui est évidemment pas le cas des très intelligentes pieuvres. Reste que ces caprins sont des animaux explorateurs, des êtres sociaux, mais avec une grégarité moins marquée que celle des ovins ou des bovins. Cela peut expliquer l'absence de facilitation sociale chez les chèvres dans cette expérience. Malgré tout, elles savent reconnaître et discriminer différents congénères familiers, même après plusieurs mois de séparation. Ainsi, Chez ces animaux domestiques, la cognition individuelle ne peut être dissociée de cette cognition dite sociale. Cette forme d'intelligence expliquerait comment les chefs parviennent à s'adapter facilement à des environnements rudes, où elles doivent explorer le milieu pour en extraire leur nourriture. Les caprins n'ont sans doute pas livré toute l'étendue de leur talent. Alors, souvenez-vous de Djali pour finir, la chèvre savante d'Esmeralda, une jolie petite chèvre blanche, alerte, éveillée, lustrée, ainsi décrite par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Et en 1482, sur la place de Grève, Djali savait déjà compter. Sa maîtresse lui tendit son tambour. À quel moment, ou plus exactement, à quel mois de l'année sommes-nous ? La chèvre leva son pied de devant et frappa un seul coup sur le tambour. On était, en effet, au premier mois de l'année. Bonjour Daniel Andler. Bonjour Stéphane Delisgeorge. Quel gros livre ! Et... Silhouette de l'humain, pourquoi d'abord ? Peut-être qu'un premier mot, silhouette, ça se découpe, c'est une ombre, c'est... Non ? Qu'est-ce que c'est ? Silhouette, c'est un très beau titre. Il faut que je donne quand même tout de suite le sous-titre avant de vous laisser expliquer le titre. Daniel Andler, quelle place pour le naturalisme dans le monde d'aujourd'hui ? Silhouette. Alors l'idée, c'est que la silhouette, c'est au fond la forme à l'intérieur de laquelle... se développe l'humanité et chaque être humain individuellement. C'est l'enveloppe à l'intérieur de laquelle les êtres humains vivent leur vie. Donc l'idée est assez simple et finalement banale. La nature dessine la silhouette et les êtres la remplissent, lui donnent des couleurs, de la texture, une figure singulière. Et de même pour les sociétés. Et donc... Évidemment, le mot est dit, le mot est jeté, c'est la nature qui va évidemment nous mobiliser. Vous dites que c'est... on va avoir des définitions bien sûr précises au fil des minutes, mais vous dites que, d'une certaine manière, ce concept de naturalisme, il est, là encore le mot est joli, élastique. Élastique ? Pourquoi ? La nature est... En première analyse, ce qui nous apparaît à nous, créatures naturelles. Mais qu'est-ce qui nous apparaît à nous, créatures naturelles ? C'est là que l'élasticité intervient. Le regard de Newton qui voit la pomme tomber, qui devine derrière cette pomme qui tombe, la gravité, n'est pas nécessairement votre regard ou mon regard. Nous ne voyons pas les mêmes choses dans la nature. Et donc, cette nature, elle change de forme, elle change d'étendue, à mesure que nous la regardons. Et le regard est lui-même quelque chose d'élastique. On regarde avec des lunettes, on regarde avec des loupes, avec des microscopes, on regarde indirectement. Et où s'arrête le regard ? Donc à mesure, en quelque sorte, que le regard se développe et s'affine, il nous révèle de nouveaux aspects de la nature. Et ces nouveaux aspects de la nature nous donnent des moyens techniques nouveaux qui nous permettent d'affiner notre regard. Bref, la nature n'est pas un concept fixe. Et le naturalisme est non pas l'affirmation brute que nous savons ce qu'est la nature et que tout est nature, mais au contraire, une invitation à la regarder de très près. Alors, évidemment, on peut faire, avant d'aborder quelques traits principaux, peut-être faire cette remarque. On peut considérer, d'une certaine façon, que tous les philosophes conséquents sont naturalistes aujourd'hui, puisque existe un programme dit naturaliste, justement. On peut dire que les scientifiques suivent une méthodologie matérialiste, et on fera le distinguo, mais en tout cas, ce programme naturaliste, on le retrouve partout, bien évidemment, dans les sciences cognitives, dans la bonne philosophie, qui imagine qu'elle peut pas poursuivre une autonomie de réflexion sans se mettre au courant de ce qui se fait dans les sciences. Et curieusement, il y a dans notre pays une espèce de vieille habitude qui remonte peut-être à un spiritualisme, mais on voit de façon appuyée, c'est une petite remarque que je vais vite fermer, on voit de façon appuyée cette idée qui ne passe pas de soi, hein, c'est-à-dire que Par exemple, si nous prenons l'espèce de primate supérieur que nous sommes, il y a bien sûr une différence de degré. Y a-t-il une différence de nature? C'est là la question. On peut peut-être dire oui avec la grammaire, par exemple, innée qui nous compose. Mais ça passe pas bien dans ce pays. Alors, est-ce que vous avez une petite remarque à cette petite réflexion avant qu'on entame quelques grands traits pour le définir? Je pense que pour des raisons probablement contingentes, ce que beaucoup de philosophes, ce que beaucoup de spécialités sciences humaines, mais aussi beaucoup de gens de culture qui réfléchissent, ont mis sous l'étiquette naturalisme, c'est quelque chose qui est lié au réductionnisme, à un scientisme un peu primaire qu'on associe à certains penseurs, qu'on oublie d'ailleurs, qu'on n'a pas lu, du 19e siècle. L'idée qu'au fond, nous sommes des machines, que la physique et les sciences de l'ingénieur, éventuellement l'informatique, vont nous dire comment ça fonctionne, et qu'il n'y a pas, au fond, de la moindre plausibilité à un programme naturaliste. Et il pense aussi, je pense, que le naturalisme est dangereux, il est toxique, que si on suit en quelque sorte la pente naturaliste, on va se retrouver effectivement en position d'être des machines, de nous considérer nous-mêmes comme des machines, de gérer les choses humaines comme s'il s'agissait de gérer, je ne sais pas moi, un supermarché. Oui, oui. Et ça, ça évidemment, je comprends que ça les trouble. Mais le naturalisme, c'est pas du tout ça. Alors, le naturalisme, c'est... On peut sortir quelques traits, on peut en retenir trois, c'est ce que je vous propose, minimaux de cette doctrine. Comme son nom l'indique, que le naturalisme pose une primauté de la nature. Primauté parce que c'est le cadre de référence auquel rien ne peut ni ne doit échapper. Un premier commentaire sur... Alors, le doigt est peut-être un petit peu fort. Disons que c'est une option plutôt par défaut, jusqu'à plus ample informé, tenons-nous-en à la nature. Maintenant, comme le naturalisme qui se décline de mille façons, mon naturalisme à moi est un naturalisme fortement... non dogmatique. Je suis un naturaliste antidogmatique et donc le naturalisme ne doit pas dogmatiquement, en quelque sorte, affirmer. Il doit être conséquent avec lui-même. Être conséquent avec soi-même, pour le naturaliste, c'est dire, mais regardons-y de plus près. Alors, deuxième critère, trait minimal du naturalisme, ce vers quoi tend le naturalisme est une conception unificatrice de la nature, c'est-à-dire du réel. Non au sens de certitude, mais d'être éprouvé, d'avoir fait ses preuves. Donc le naturaliste rejette toute division du réel, par exemple entre le monde et l'être humain, où il y aurait une scission profonde, entière, une sorte de chiasme absolu. Nous serions, pour certains esprits, strictement des enfants de Dieu. Tout se trouve en fait au même endroit, dites-vous, dans un même espace où les choses interagissent. Est-ce qu'on peut faire un commentaire ou est-ce qu'on passe au point suivant ? Non, je crois que... Alors le dernier point est une définition métaphysique assez rigoureuse, due d'ailleurs à un philosophe de poids, David Lewis, l'idée que tout se passe au même endroit, ça signifie que tout, à tout moment, peut interagir avec tout. Donc c'est l'idée d'une unité qui est à la fois temporelle, spatiale et causale. Alors on peut aussi, se dire agnostique sur cette définition métaphysique, du naturalisme et s'orienter plutôt vers l'idée que le naturalisme fait confiance, là aussi c'est défaisable, on peut revenir sur ce choix, mais fait confiance aux méthodes des sciences de la nature pour nous faire voir le réel. Ce sur quoi le naturalisme, à mon sens, même un naturaliste, disons, critique et non dogmatique comme moi, ne peut pas en quelque sorte reculer, c'est l'idée que il y a justement une sorte de frontière fixée à l'avance entre deux ordres de réalité, deux types d'êtres, entre les chèvres et les êtres humains, entre... Il y a sûrement des différences, et ces différences sont probablement profondes dans certains cas, mais elles ne peuvent pas être posées a priori. Et je crois qu'il y a une sorte de crainte que si jamais on s'autorisait, disons, la liberté simplement de penser, d'essayer, pour voir, et si finalement ce qui nous sépare des chèvres n'est pas ce que nous pensons, ce que nous avons posé d'avance, qu'est-ce que nous apprendrions ? Je pense que le naturaliste est quelqu'un qui dit « Allons voir un petit peu ce qu'il y a de commun entre une chèvre qui apprend à débloquer une serrure et un enfant qui en fait autant. » Processus cognitif, et après tout, pourquoi n'aurions-nous pas une part de chèvre, comme nous avons une part de primate supérieur ? Bien sûr. Et d'ailleurs, on serait content de l'apprendre. Cela dit, on peut, pour avancer les choses, considérer que, bien sûr, les sciences naturelles, celles qui portent l'enquête sur, grosso modo, l'univers, qu'on va appeler inerte, bien que ce soit inapproprié, mais pour le faire comprendre par rapport au vivant, donc d'abord, première chose, on peut dire de façon résumée que la physique d'aujourd'hui affirmée, avec ses deux grandes théories cadres, la relativité générale et la mécanique quantique, sont l'ontologie du réel. Elles sont évidemment transitoires, comme toute science. Elles peuvent être immédiatement chamboulées de part en part, comme on l'a vu à la fin du 19e. Il n'empêche qu'aujourd'hui, l'ontologie du réel, c'est bien la physique et la chimie qui la disent. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est une des composantes, une des manières de vivre le naturalisme, c'est ce qu'on appelle le physicalisme, justement. C'est cette idée que la physique nous révèle l'ontologie fondamentale. Cela dit, on peut, là aussi, au fond, laisser cette question de côté. C'est une question sur laquelle, d'ailleurs, je ne mets pas particulièrement l'accent dans le livre, parce que, déjà, dès qu'on passe à l'ordre du vivant, bien entendu, la physique nous en donne l'ontologie fondamentale, mais nous savons que pour commencer à expliquer le vivant, nous devons nous placer à un niveau de description assez différent. Et au fond, la question, disons, pourquoi le naturalisme est aujourd'hui quelque chose qui est si débattu, c'est parce que les sciences cognitives, les neurosciences, les approches évolutionnaires nous parlent de l'homme et nous en parlent d'une manière qui le rend, disons, plus clairement biologique qu'il ne l'était précédemment. Donc le saut, c'est du vivant, du biologique général à l'être humain et à la société humaine, plutôt que des particules fondamentales ou des cordes au biologique. Il y a les deux sauts. Il y a bien évidemment donc à rajouter à ces deux grandes théories cadres qui donc dirigent la physico-chimie, l'apport d'une théorie absolument essentielle que vous appelez évolutionnaire, qui est donc celle qui prend en considération le vivant. Le vivant est bien sûr un être physico-chimique, mais il a une propriété bien particulière et qui le distingue de l'inerte, justement, c'est qu'il est auto-répliquant. C'est-à-dire qu'il est capable non seulement de s'auto-répliquer, le même donne le même, la mouche donne une mouche, mais en même temps, la mouche peut donner autre chose au bout d'un certain temps avec le jeu des mutations. Et donc, cette biologie a une caractéristique, elle est historique. Elle fait rentrer une histoire singulière, l'histoire du vivant, sur cette planète, la nôtre. Et c'est là aussi une science, bien évidemment, et une grande science. Et donc, tout le temps, dans le naturalisme, arrive, tout le temps et très rapidement, la théorie évolutionnaire. La théorie évolutionnaire, exactement. Un petit mot là-dessus, bien sûr. Alors, la théorie évolutionnaire joue un rôle... distinct en quelque sorte, un rôle distinctif par rapport au naturalisme. Par exemple, les sciences cognitives, qui ont donc, mettons, une soixantaine d'années, n'ont pas toujours été, disons, sensibles à la dimension évolutionnaire. Elle n'a pas particulièrement prêté attention à cette dimension évolutionnaire. Daniel Dennett est l'un des rares philosophes qui a très tôt souligné l'importance pour l'intelligibilité générale de la chose, l'importance de la théorie évolutionnaire. Cela dit, les choses ont changé et aujourd'hui, un rôle beaucoup plus grand est donné à l'évolution, à la théorie de l'évolution. Et à cet égard, ce qui est là aussi embêtant un petit peu, c'est que la plupart des gens ont des convictions ancrées sur la biologie évolutive. Alors que c'est une science compliquée, c'est une science bien assise, qui, bien entendu, a des difficultés, qui n'explique pas tout, qui connaît des controverses, qui a ses problèmes, qui a même ses mystères, mais qui est néanmoins une science extraordinairement productive et qui nous éclaire extraordinairement sur certains aspects, donc, de la constitution de l'être humain et notamment de sa constitution sociale. Et l'éthologie, par exemple, l'éthologie évolutionniste, bien sûr, et qui regarde les comportements, qui essaie de comprendre les comportements des animaux, abolit toute différence et se comporte, dans sa méthode en tout cas, avec ce qui peut ressembler à une certaine méthodologie en psychologie, on va en dire un mot, qui est une psychologie évolutive tout à fait naturaliste. Bien entendu. Là aussi, une certaine prudence est de mise. L'éthologie humaine est une éthologie, en quelque sorte, pénétrée de culture. Et avec le mot culture, nous entrons sur un terrain difficile où un certain nombre de gens estiment que la culture efface en quelque sorte toutes les déterminations biologiques et même toutes les déterminations éthologiques au sens de l'éthologie animale. Donc le fait que l'être humain soit un être de culture effacerait, selon ces penseurs, selon cette tradition, l'idée que l'être humain est aussi un être de nature, un être qui a sa nature. Et donc il y a une opposition entre nature et culture, qui est une très mauvaise opposition, qu'on ressasse malheureusement très tôt, si bien qu'on croit comprendre cette opposition entre nature et culture. On dit la nature est fixée, nous avons tous à peu de choses près le même nombre de jambes, de bras, de doigts, d'yeux, etc. Nous partageons ça. En revanche, culturellement, nous sommes extraordinairement différents. Et par conséquent, les deux dimensions, nature et culture, fonctionnent de manière complètement orthogonale. Et ça, c'est une idée, c'est probablement l'idée la plus fausse, en quelque sorte, celle qui fonde un mauvais antinaturalisme. Je ne pense pas qu'il faille nécessairement condamner l'antinaturalisme. Il y a des manières intéressantes de défendre l'antinaturalisme ou de s'opposer au naturalisme. Mais partir de cette opposition entre nature et culture est la pire façon d'aborder le problème. France Culture, Continent Science, Stéphane Delisgeorges. Suite donc de cette interrogation à partir du livre de Daniel Handler, La silhouette de l'humain, qui pose la question donc de qu'est-ce que le naturalisme. Alors d'une certaine façon aussi, réglons ce problème, vous dites que le naturalisme doit se tenir à égale distance donc avec, entre autres, le spiritualisme et puis bien sûr aussi un matérialisme un peu niais, un peu réducteur, que les choses sont plus compliquées. Est-ce que vous, en quelques mots là, rapidement, affinez cette petite proposition? Parce que j'ai parlé tout à l'heure de méthodologie matérialiste stricte et avouée pour ceux qui travaillent du côté du muséum, par exemple. Oui, oui. Le naturalisme contemporain se distingue d'abord d'un bon vieux matérialisme parce que il ne fait pas fond particulièrement sur une conception de la matière. Au fond, quand on parle de matière, on ouvre la porte déjà à un dualisme qui est au fond contraire à l'esprit du naturalisme, qui, comme je le dis souvent, est une sorte de rébellion contre un dualisme posé a priori. Hein, donc constatons des différences après l'analyse, mais ne les mettons pas avant l'analyse. Donc la matière, le fait que la matière, on ne sache plus très bien ce que c'est aujourd'hui, n'est en aucune façon une objection au naturalisme contemporain. Alors la première chose, c'est que donc le naturalisme contemporain ne s'aligne pas sur des positions matérialistes et ne s'aligne pas non plus sur des positions réductionnistes. En fait, le naturalisme contemporain est fortement assis sur les sciences cognitives et les sciences cognitives sont fortement assises sur l'idée que l'être humain, et d'ailleurs nous partageons cela avec les animaux à beaucoup d'égards, est un organisme dont on ne peut commencer à comprendre le fonctionnement qu'en le considérant à un certain niveau d'abstraction qui est celui, au fond, de l'information ou du sens. Alors, cette idée que le sens est à la fois quelque chose de naturel et quelque chose qui est fondamental pour la compréhension de l'être humain, de la vie humaine et de la vie sociale, ça c'est quelque chose qui nous distingue très très profondément de ce matérialisme niais dont vous parliez précédemment. Alors, on peut aussi, c'est un mot que vous utilisez, là encore dans les critères qui permettent de définir le naturalisme, c'est une autre affirmation, c'est presque synonyme avec certaines des parties de ce qu'on a déjà pu dire, mais en tout cas, alors c'est toujours en isme, je peux utiliser le mot exception, mais en tout cas, évidemment, dans une position de principe et de méthode, pour un naturaliste, il n'y a pas d'exceptionnalisme. Les lois de la nature sont régulières, les établissements de causalité sont bien définis, les enquêtes sont assurées dans les questions qu'elles posent à la nature, dans les réponses temporairement avérées qu'elles ont. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Donc, bien entendu, il n'y a pas d'exception, effectivement. Là, je pense que cette position de principe que vous rappelez est tout à fait au cœur du naturalisme. Mais vous l'avez dit vous-même, la contingence est introduite par l'évolution. Donc, en un sens, tout être humain, toute espèce d'abord, est en quelque sorte une exception. Vos chèvres sont une exception, nous sommes une exception. Et d'autre part, chaque individu, c'est une autre crainte que suscite le naturalisme, qu'il effacerait les différences. N'oublions pas que l'ordre du vivant est marqué par la variation. Chacun d'entre nous est biologiquement distinct. Si nous ajoutons à cela le fait que l'espèce humaine est le résultat d'une évolution contingente, on a à la fois l'idée que, bien sûr, chaque être humain se conforme strictement aux lois de la nature, en ce sens, ne constitue pas une exception, mais d'un autre point de vue, il est singulier. Il n'est pas exceptionnel, mais il est singulier. Notre espèce est singulière, sans être exceptionnelle, et nous sommes chacun au sein de notre espèce, singulier, sans être exceptionnel. Les cultures et les sous-cultures sont singulières, sans être exceptionnelles. Évidemment, là, très vite, lorsqu'on mobilise l'analyse des cultures, on arrive vite par déviance à tomber sur des relativismes qui s'opposent au réalisme qui peut être postulé toute son étendue dans le naturalisme. Cela dit, on peut peut-être là fixer maintenant les choses, Daniel Handler, sur le point suivant. Prenons la philosophie. Vous indiquez dans votre livre qu'un grand article de 1969 d'un immense philosophe qui est Quine, dont je passerai les prénoms, montre que, évidemment, il y a maintenant quelque chose qui dit le réel, qui dit l'ontologie, et ce sont les sciences. C'est la science, c'est la physique. Et là, cet article a eu une très très grande importance dans la volonté de naturaliser. On sait que quelle, évidemment, controverse, mais en tout cas, quelle destinée intellectuelle il a eu dans l'univers des philosophes analytiques, hein, pour parler vite, des scientifiques informés ayant le goût de cette philosophie qui ne rabâche pas sans cesse les mêmes histoires de la philosophie. Oui, Quine a joué, donc, notamment à cause de cet article, mais déjà ces articles précédents, dès les années 50, annonçaient en quelque sorte la couleur, mais l'article de 69 a joué effectivement un rôle de ralliement en réalité. J'entendais l'autre jour un podcast d'une communication à la Société aristotélicienne de philosophie, et une très distinguée jeune philosophe disait « Ben voilà, j'ai commencé en bon quinienne, je voulais être une bonne quinienne. » Et être une bonne quinienne, c'est, disons, avoir adopté d'entrée de jeu une attitude naturaliste générale. Et en ce sens, Quine, et notamment cet article de 69 auquel vous faites allusion, a effectivement joué ce rôle. Il a introduit l'idée que on doit examiner des problèmes philosophiques traditionnels sous l'angle naturaliste, en accordant donc une priorité à la science, au sein de la philosophie, une priorité à la philosophie des sciences, et considérer notamment que la quête de connaissance elle-même est un processus naturel, que l'on peut étudier avec les moyens de la science. Alors ça a suscité, c'est un article assez paradoxal, comme le disait, je l'écrivais, Jean Largeau, Quine est un roublard, c'est quelqu'un qui aime bien dynamiter les convictions les plus ancrées. Donc il y a, disons, un grain de sel à... interpréter Quine avec un grain de sel, il dynamite un certain nombre de convictions, notamment cette idée que le procès de connaissance humaine est quelque chose qui échappe justement aux lois de la nature. Alors on venait de dire justement que rien n'échappait aux lois de la nature. Donc il nous le rappelle d'une certaine façon. Cela dit, le programme qui consiste à, disons, développer une psychologie cognitive ou une anthropologie psychologique cognitive de la connaissance scientifique n'a, depuis l'article de 69, ça commence à faire quelques dizaines d'années, n'a pas donné grand-chose. En revanche, l'orientation, n'est-ce pas, l'orientation naturaliste au sein de la philosophie, et notamment de la philosophie analytique, qui jusque-là n'était pas si naturaliste que ça, était même franchement antinaturaliste, non pas anti-scientifique, bien mais antinaturaliste, au contraire, c'était une philosophie scientifique, mais elle était antinaturaliste, et Quine a réussi en quelque sorte à renverser l'architecture générale de la philosophie analytique en lui faisant prendre ce tournant naturaliste. Alors on pourrait maintenant avancer dans la direction suivante, c'est-à-dire se poser la question, Daniel Englert, pour savoir quels sont, et ça résume d'une certaine manière, mais ça ce qu'on a dit, mais ça le précise, les deux dimensions du naturalisme, vous le distinguez, en tout cas, vous faites ce distinguo de façon précise. Il a une dimension, ce naturalisme, qui est ontologique, et il a une dimension qui est épistémologique. Ontologique, on l'a vu, grosso modo. On ne va pas répéter ce qu'on a dit. Épistémologique, alors, qu'est-ce à dire? C'est que vous l'avez un petit peu abordé en regardant et en disant que même le processus de connaissance est un processus naturel. Voilà. Alors, et qu'on peut le regarder ainsi. Le naturalisme scientifique contemporain, celui dont nous parlons pour l'essentiel aujourd'hui et dans le livre, fait confiance aux sciences de la nature pour nous donner un compte-rendu véridique de tout ce qui est. Donc, l'idée que tout est naturel, ça c'est l'ontologie, mais ensuite, ce qu'est la nature, c'est ce que nous saisissons, et le naturalisme scientifique nous dit que nous saisissons avec les outils des sciences de la nature. Alors, l'objection immédiate, c'est que les sciences de la nature, vous l'avez rappelé, Stéphane, c'est la physique fondamentale, éventuellement étendue à la biologie, et que ces instruments ne semblent pas adaptés à l'étude de l'humain. Et donc, il y a là quelque chose d'important de dire, mais si, ces méthodes convenablement étendues, adaptées à la spécificité de leur objet, sont bel et bien en mesure de nous donner un compte-rendu fidèle de ce qui touche à l'homme et à la société. Et c'est donc une affirmation forte. C'est une affirmation qu'il faut mettre à l'épreuve. Elle est mise à l'épreuve par ces programmes de naturalisation, par les sciences cognitives, par les neurosciences, par les approches évolutionnaires. Et dans les petites notes que vous m'avez fait passer au préalable de cette émission, vous remarquiez, et vous citiez le nom de Scott Atran, pour aller vraiment là vers des enquêtes qui sont très très particulières, il y a une interrogation évidemment tout à fait naturaliste dans un phénomène comme celui du djihadisme. Voilà. Et on va essayer d'avoir d'autres explications, d'élaborer d'autres concepts que les concepts ordinaires pour analyser ce genre de mouvement historique. Exactement. D'un mot, c'est bien ça. C'est exactement ça, oui. amoureux, ce qu'on voit dans l'Océanie, on la tire sur le rivage. C'est comme un grand coquillage, tout habillé de lainage, qui vient pour faire le ménage. Qui vient pour faire le ménage. Qui vient pour faire le ménage, amour en Océanie, comme un oiseau dans son nid, caché par le feuillage. On l'embrasse sur le visage, on y touche le sein, dans son sarcophage, des tous vêtus de plumage, allongés dans son liquage, qui feront les bocages de la bosse ancienne, de la terre du ciel. Cette main, c'est la sienne, dans le silence du matin, comme une glace en teint, un bout de satin, dans le sortilège du sable. Je voyais des punaises qui dévoraient mon ouvrage sur la parthénogenèse. Une mentie religieuse m'était tombée dans le cou, m'était tombée dans le cou. Elle est sortie tout à coup de la mer d'Iroise, l'odeur des toits d'ardoise. Un gilet de velours me servait d'abreuvoir et j'ai ouvert les yeux. Le train de passer les yeux, il y avait de grands draps et de calorifères. Mais quand la vie s'en va, quand la vie s'en va, un calorifère à la lumière du jour. Merci d'être toujours un enfant de la vie. Quand j'ai ouvert les yeux, le train dépassait les yeux et le wagon poursuit, et le wagon poursuit la table qu'on essuie. Table qu'on essuie, j'étais couvert de suie, j'étais couvert de suie, une ombre de suie, une ombre de suie, une ombre. Je romançais pour une petite promenade avec cette chanson, Association Libre et Malicieuse, qui s'intitule L'amour en Océanie, où il y a question, entre autres, de parthénogenèse, Daniel Handler. Alors, je vous propose qu'on fasse pas de la parthénogenèse là, maintenant, tout de suite, mais qu'on fixe deux thèmes maintenant précis. On va essayer d'être plus concret. Le premier que je vous propose, il va avoir des apparences de conceptualisation difficile, mais il s'agit simplement de la propriété de langage. Bon, jusqu'ici, et ça n'est pas seulement un problème articulatoire, les primates supérieurs ne parlent pas. Certains dyspamalistes, ils ne nous parlent pas parce qu'ils n'ont rien à nous dire. Mais en tout cas, ils ne parlent pas. Or, nous, nous parlons. Et il se fait une sorte d'automatisme de l'apprentissage. Nous ne mettons pas devant des enfants en train de leur dire « Tu vas apprendre à dire papa, bobo ». Non. Donc, il y a quelque chose comme une grammaire innée. Et ça, c'est appuyé sur un concept plus général qui spécifierait des circuits neuronaux particuliers qu'on a appelés des modules. Et donc, ça, c'est un exemple de modularité. Quelle est la position ? Là, c'est pour aborder la deuxième partie de votre ouvrage. La troisième, je l'annonce tout de suite, ça sera « Est-ce que l'homme est un strict ordinateur, plus futé ?» Ça sera pour la troisième partie. Donc, en tout cas, cette question. C'était pas mal, quand même, comme idée, avec Fodor, de suivre cette affaire de modularité, non ? Oui, c'est une... Ça a sonné bien avec ce qu'on savait à l'époque en neurobiologie. C'est vrai, c'est vrai. Et la modularité reste en quelque sorte un schème directeur au sein des sciences cognitives. L'idée de départ, c'est que l'esprit est un organisme ou un système extraordinairement complexe et que... La bonne méthode pour essayer de comprendre comment il fonctionne, c'est d'en déterminer un certain nombre de parties. Donc ça, c'est une espèce de modularisme extrêmement général. Alors arrive là-dessus Chomsky, pour ne pas le nommer, qui dit, mais vous savez, il y a un module très très très particulier qui est cette grammaire universelle, cette aptitude d'apprendre le langage au simple contact de la langue parlée autour de soi, et qui a des propriétés tout à fait particulières, et notamment qui ne relève pas en quelque sorte d'une capacité d'apprentissage générale. Donc au lieu que l'esprit soit vu de manière un petit peu circulaire comme cette extraordinairement magnifique machine ou cet extraordinaire organe pour apprendre, il est en fait divisé en provinces relativement isolées les unes des autres, qui, notamment, pour ce qui est de la province langage, permet d'apprendre le langage de la manière spontanée que vous avez rappelé, ainsi de suite. Alors, là, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est le devenir de cette idée extraordinairement forte que, donc, Fodor, vous l'avez rappelé dans votre livre, dans son livre de 83, a donc généralisé. Il a dit, oui, il y a des modules, mais il s'est empressé de préciser qu'il y a des modules, en quelque sorte, les modules perceptifs et moteurs, et puis il y a un module du langage, dont on connaît pas forcément exactement le périmètre, mais qui a ce caractère, en quelque sorte, d'automaticité. Maintenant, les modules, les processus supérieurs, ce que Fodor appelait ceux de la fixation de la croyance, qui nous permettent, de déterminer nos croyances sur ce qui se passe autour de nous, de nous comporter de manière appropriée, etc. Ça, ça n'est pas, en tout cas, de manière manifeste, modulaire. Et cette sorte d'interdit ou cette clause de prudence que Fodor énonce en 83. Est transgressé par les partisans de la modularité forte, qui nous disent, si, les processus supérieurs aussi sont modulaires, ils sont spécialisés, donc nous avons des modules spécialisés pour un certain nombre de nos grandes activités de raisonnement, de recrutement, de partenaires sexuels, de comportements sociaux, de comportements d'agression, et ainsi de suite. Alors, cette idée, finalement, était au début soutenue par l'idée d'une localisation cérébrale précise, donc ça nous ramenait dans une version évidemment modernisée, à la phrénologie, l'idée du Hagal et Aschbürzheim que nous avons 29 ou 38 facultés spécialisées qui sont localisées dans le cortex, et quand elles sont surdéveloppées, alors ça donne la bosse, c'est l'origine de la bosse des maths. Alors, cette néo-phrénologie qui a été attaquée, y compris de l'intérieur des sciences cognitives et des neurosciences, est aujourd'hui largement rejeté. Et il y a de la modularité, mais elle ne peut en aucun cas, semble-t-il, s'exprimer de cette manière aussi littérale. Donc il y a certainement des systèmes, des sous-systèmes, des réseaux qui sont progressivement identifiés par les neurosciences, mais qui ne correspondent pas nécessairement à des aptitudes ou des facultés telles qu'elles sont identifiées par la psychologie. Donc la psychologie et les neurosciences, la psychologie cognitive et les neurosciences, sont dans un effort permanent pour se soutenir l'une l'autre et s'articuler l'une à l'autre, mais cet effort est au fond inachevé, ce qui à mes yeux fait tout l'intérêt en fait des neurosciences. Elles sont plus intéressantes quand elles démentent un certain nombre d'intuitions du sens commun, et un certain nombre de résultats ou d'hypothèses de la psychologie scientifique, et qu'elle développe au contraire une vision complètement différente, innovante, inattendue, surprenante du fonctionnement du cerveau. On peut prendre comme exemple, pour finir ou conclure ce point, si vous en êtes d'accord, Daniel Handler, l'idée que, évidemment, maintenant, il y a une beaucoup plus grande plasticité des réseaux, qu'on les voit même être capables de se modifier, et que des instances, comme par exemple l'instance psychologique où nous prenons une décision, nous décidons quelque chose, qui est donc une sorte de causalité mentale, avec tout ce qui se fait, pour utiliser un mot barbare, la métacognition, on voit très très bien combien les choses demandent beaucoup de travail, en particulier ne serait-ce que pour les évaluations. La perception n'est plus simple. Il faut des statistiques bayésiennes que l'on produit sans arrêt, sans en avoir conscience, ainsi que certains neurobiologistes l'ont dit à ce même micro, donc c'est compliqué. Deuxième point, et il permettrait donc d'aborder ces neurosciences maintenant dans leur accomplissement, et de poser cette question. Tout d'abord, évidemment, et vous l'écrivez, le cerveau cause bien la pensée. Parce qu'il y a cette moquerie habituelle. Ah oui, c'est le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile, qui là encore est a une apparence de matérialisme réductionniste totalement niais. Et vous dites qu'il y a un chiasme, qui semble séparer le cerveau et la pensée. Est-ce que cette causalité, comment fait-on? Parce que on est toujours, et c'est lié aussi à sommes-nous des ordinateurs, bien évidemment. Mais sur ce point d'abord, quelle est votre position de naturaliste? Où en est l'état de l'art, là, de cette question? Parce qu'elle va engager la conscience, elle va engager... Où en sommes-nous? Vous levez les yeux. La question est difficile parce oui, que... Résumons-la en quelques mots. Alors, disons que ce qui nous sépare de la conception du XIXe siècle, c'est que nous avons perdu notre innocence en matière de causalité. En réalité, la métaphysique analytique et la philosophie des sciences contemporaines s'interrogent beaucoup sur ce qu'est la causalité. Donc, plus personne ne dirait aujourd'hui, disons avec bonne conscience, que nous voyons bien que le cerveau cause la pensée, parce que nous ne savons plus très bien quel concept de causalité est applicable en l'occurrence. Très bien, oui. Et ça se voit pas simplement dans les images que l'on peut produire de ce magnifique instrument non invasif d'analyse qu'est l'IRM. Ah oui, non, l'IRM nous apprend assez peu de choses en fait sur cette question-là. D'autant plus que le cerveau n'est pas le seul d'une certaine façon à causer ou à, disons, être corrélé à la pensée, d'abord parce que dans le système nerveux, il n'y a pas que le système nerveux central, et aussi parce que, finalement, la pensée, oui, il y a le système nerveux périphérique, et puis parce que la pensée est une propriété, ou une dimension, ou un produit de quelque chose qui est plus que le cerveau, à savoir un organisme entier. Oui. Et donc, cette incarnation, le fait que la pensée soit la pensée d'un organisme, vous disiez que, autant qu'on sache, les animaux ne nous parlent pas parce qu'ils n'ont rien à nous dire. D'abord, quand on les interroge intelligemment, c'était une boutade, je le sais bien. Mais j'en profite pour simplement dire que, justement, plus on interroge les animaux, plus on s'aperçoit qu'ils ont des choses à nous dire. Mais évidemment, ils ne disent pas dans ce qui ressemble de près ou de loin à un langage, ça c'est articulé, tout à fait certain. Bien sûr, voilà. Oui, bien sûr. Alors, donc, on peut le voir d'ailleurs, pour appuyer évidemment cette activité de pensée, on va dire, vous avez dit que d'une certaine manière, le grand impérium, le cortex supérieur, délègue, maintenant on le sait très bien, il délègue à la périphérie des instances de décision qui peuvent se retrouver en particulier, dans tout le transit, et là encore, grande révolution, en tout cas en biologie, on s'aperçoit que notre singularité s'appuie sur le fait que nous sommes évidemment notre caryotype, notre ADN, mais nous avons simplement dans votre espace maxillaire, Daniel Englert, je répète cette idée mais je la trouve extraordinaire, 420 espèces de bactéries différentes. Dans un gramme de vos selles, chaque jour, il y a 40 milliards de bactéries qui s'amusent et qu'on entretient, ce sont nos amis. Et on en a un tiers qu'on ne partage pas, vous et moi, qui sont là encore le fruit de notre singularité. Et peut-être que ça aurait un rôle dans la compréhension de la schizophrénie, ce microbiote du transit digestif. Bien, passons là-dessus, finissons. Mais l'ordinateur... Alors, sommes-nous une manière d'ordinateur sophistiqué, de machine de Turing incarnée? Que sommes-nous? Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions. Oui, alors sur la question de l'ordinateur, nous ne sommes pas, et même notre cortex, et même vu sous un certain angle, nous ne sommes pas un ordinateur. Les neurobiologistes, depuis longtemps, se sont indignés contre cette idée qu'ils considèrent comme complètement grotesque. Il faut comprendre le rôle de l'ordinateur comme un modèle. C'est un modèle qui nous permet de rendre compte de certaines régularités, de la même manière que nous ne sommes pas des machines logiques, Parlons même pas des ordinateurs. Les ordinateurs sont une sorte de logique appliquée ou d'une logique incarnée, mais la logique a été inventée par Aristote. On n'a pas reproché à Aristote de nous réduire à des machines logiques sous prétexte qu'il disait que le bon raisonnement se produit de manière formelle de telle et telle façon. Donc l'idée de l'ordinateur, c'est que l'ordinateur est un système de traitement de l'information et que l'être humain, sous une certaine description, moyennant certaines idéalisations, on ne peut pas tout dire de tout à tout moment, on se focalise sur certains aspects, et certains de ces aspects se laissent systématiser, décrire et prédire comme des processus de traitement de l'information. Alors, je me souviens de la première fois que j'ai vu cette expression, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années maintenant, et je trouvais qu'elle était terriblement réductrice, quoi. Nous ne sommes pas des machines, des systèmes de traitement de l'information, comme l'affirmaient Herbert Simon et Alan Newell et d'autres. Mais détendons-nous. Nous pouvons considérer qu'il y a une notion abstraite d'information qui nous permet de progresser dans la compréhension des mécanismes mentaux. Et d'une certaine façon, les objections des beaux esprits, les objections de certains collègues, etc., ne tiennent guère la route, puisque nous voyons que les résultats, dans un certain nombre de domaines très précis, comme la vision, l'audition, la motricité, le raisonnement et bien d'autres exemples, nous montrent la fécondité de ce type de description. Encore une fois, ce sont des descriptions. On ne ramène pas l'être humain à un ordinateur, ni même le cerveau de l'être humain à un ordinateur, mais on estime que décrire les processus mentaux comme des processus de traitement de l'information, est une bonne manière de les systématiser. Alors, de façon un peu conclusive, et sous l'impératif de français, faisons encore un effort pour être naturaliste, qu'est-ce qui vous intéresse le plus maintenant? C'est-à-dire que cette méthode, bien que vous teniez à garder cette position de naturaliste évaluatif, critique, attentif aux objections possibles, qu'est-ce qui vous passionne le plus, Daniel Andler? Alors, c'est l'apport des recherches menées dans ce cadre naturaliste que nous avons rapidement évoqué, sciences cognitives, neurosciences, approche évolutionnaire. Quel est l'apport de ces méthodes pour à la compréhension et à la résolution d'un certain nombre de problèmes sociétaux gravissimes, du terrorisme à la propagation de rumeurs insensées sur Internet, à les troubles de la nutrition, toutes sortes de problèmes de ce genre, l'incapacité de prendre des décisions collectives qui s'imposent, par exemple en matière de changement climatique, et il y en a bien d'autres. Donc, nous avons les sciences sociales, en quelque sorte traditionnelle, qui travaille sur ces problèmes. Nous avons notamment les méthodes formelles et quantitatives dans les sciences sociales qui sont ni naturalistes ni non naturalistes, qui sont neutres, qui produisent des modèles. Et les approches naturalistes sont, me semble-t-il, un complément absolument essentiel. Là où, sans elles, il y a un certain nombre de progrès que nous n'arrivons pas à faire. L'obstacle que nous n'arrivons pas à surmonter. Donc, les approches naturalistes ne vont pas chasser les sciences sociales d'autres, les autres niveaux de description, mais peuvent, dans certains cas, se combiner à elles de manière à produire des solutions. Et dans ce cas-là, vous êtes, dans cette attente, un être optimiste, Daniel Andler, ou quelqu'un de pessimiste? Parce que d'une certaine manière, on peut adopter cette évaluation, c'est que les jeux sont faits. Prenons simplement l'acidification de l'océan, qui d'un seul coup devrait abolir toute la chaîne trophique quand on sait que les trois quarts de l'humanité vivent au bord des océans. On pourrait multiplier les exemples, mais en tout cas, la planète est finie. Et donc, vous avez encore le un optimisme de la connaissance, Daniel Anglet ? J'ai encore cet optimisme et je l'ai d'autant plus que nous n'avons guère le choix. Il est clair que nous ne pouvons pas simplement regarder notre planète et notre humanité sombrer, se laisser submerger. Nous sommes, d'une certaine façon, obligés de donner le meilleur de nous-mêmes. Et ce meilleur de nous-mêmes passe par la poursuite systématique de la connaissance en s'appuyant sur ces paradigmes les plus éprouvés, qui sont malgré tout les méthodes mises à l'honneur par les sciences de la nature. Et je pense que nous devons obstinément continuer, poursuivre, développer dans notamment un décloisonnement des disciplines qui permettrait enfin à ces méthodes des sciences de la nature de rejoindre un certain nombre d'enquêtes parfaitement intéressantes et respectables, mais qui ne nous fournissent pas pour l'instant les solutions attendues. Donc de toute façon, nous continuons. Ce qui est en tout cas significatif dans ce moment conclusif, Daniel Andler, c'est que, évidemment, on a parlé d'établissement des faits, et là, il y a soit on a des faits avérés, en tout cas, ce sont des faits, et pas autre chose, c'est ce qui se voit, se décrit, se comprend, et puis il y a les valeurs. Et puis, il y a cette grande disjonction, en tout cas classique, entre le fait et la valeur. Vous avez tissé votre propos et de fait et de valeur. Que fait le naturaliste Dougrain, même s'il reste critique avec les valeurs ? Alors, les valeurs... C'est ma dernière question. Les valeurs, je dirais que c'est la plus belle. Les valeurs sont... les valeurs, ce qu'on appelle parfois dans le langage philosophique la normativité, sont... en effet, pour le naturalisme, une sorte d'invitation à, non pas à limiter son propos, mais à reconnaître la possibilité d'une limite. Donc, non pas limiter son propos en disant « là, nous sommes dans l'univers des valeurs, donc nous n'entrons pas dans cet univers », mais de dire « oui, il y a les valeurs, il y a la normativité, et il y a peut-être, en effet, moi je le pense, il y a une sorte d'irréductibilité, de résistance de la normativité à la compréhension naturaliste. En revanche, ce qu'on peut appeler la circulation des valeurs, la manière dont les valeurs se transmettent, dont elles évoluent, dont elles naissent, dont elles disparaissent, là-dessus, les méthodes naturalistes ont beaucoup à dire. Et là aussi, la preuve est faite. Il y a aujourd'hui tout un ensemble de recherches sur la manière dont les normativités évoluent et s'intègrent, en quelque sorte, à la prise de décision, notamment aussi bien au niveau individuel que collectif. Je vous remercie beaucoup, Daniel Andler, d'être venu à ce micro pour parler de la silhouette de l'humain, dont le sous-titre est « Quelle place pour le naturaliste dans le monde d'aujourd'hui ?» Il est publié dans la collection que dirige Éric Vigne, aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, Daniel Andler. Merci beaucoup. Mais voilà, c'était Continent Science. Continent Science est maintenant submergé, englouti. À la console technique, Alex Sedan, pour la documentation Thierry Beauchamp, la réalisation d'Annie Journeau. Merci à Anne Franchini, à Clotilde Pivin, à Lydia Benistiak, pour leur présence, leur visite amicale. Il me reste à vous souhaiter un très bel été, bien sûr, mais aussi un bon automne, un bel hiver, et pour finir, le retour d'un magnifique printemps. Le tour des saisons, en quelque sorte. Continent Science, c'était une émission de Stéphane Delisgeorges.